calling me on RIG. RIG. Oh, la marche, c'est vachement toujours de Nexo. In RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, ouais ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Apprends-moi la main! Crois, mon petit Pékin! Oh oui, viens avec moi! Apprendre ce ne vaut pas! Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur RIG, la radio de John Hayde, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Oui, RIG 90.7 sur Bordeaux et sur internet rigfm.fr. Je suis très très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de Johnny de A à Z. C'est la 429e émission. Oh déjà, oh, je reviens pas. Bientôt 500. Non. Alors, je suis très heureux de vous accueillir. Installez-vous, appelez les copains et les copines si besoin est. Et s'il faut leur rappeler qu'il existe une émission sur Johnny A&D hebdomadaire. Johnny de A à Z, ici et nulle part ailleurs. RIG. Qu'est-ce que je vais vous proposer ce soir? Un album de la semaine. Vous voulez un album de la semaine? Oui, eh bien, ça sera l'album Rock'n'Roll Attitude datant de 1985. Nous allons retrouver les versions originales adaptées pour Johnny Hallyday. Nous allons retrouver également la rubrique de Antoine Decaune, l'Odyssée Johnny Hallyday. Qu'allons-nous retrouver encore? Ah oui. Voilà aussi la fameuse annonce, la dernière annonce qui est apparue hier. Warner annonce aussi la sortie prochaine d'un copieux coffret dédié au rêve américain du rocker. Il réunira deux films, dont son dernier road trip à moto en 2016 et un double album live enregistré à New York. Évidemment, un titre inédit de Sorte d'Homme. Et ce titre-là sortira le 9 octobre et le coffret sortira le 23 octobre. Mais on en parlera au cours de cette émission. Êtes-vous prêt pour écouter l'album de la semaine qui est Rock'n'Roll Attitude et qui est le 34e album studio de Johnny Hallyday? Il est sorti le 26 juin 1985. Il a été enregistré de janvier à mai 1985 au studio Gang à Paris et au studio Tempo à Montréal. Et l'album a été écrit et réalisé par Michel Berger. Et pour la première fois, un auteur-compositeur-interprète de renom, en la personne de Michel Berger, se voit confier la réalisation de tout un album pour Johnny Hallyday. Ce changement notable est la conséquence d'une nouvelle perception de ce que devait être l'orientation de la carrière du chanteur par sa maison de disques, Philips, où Johnny, depuis 1961, est dans l'obligation de produire chaque année un certain nombre de chansons, d'albums et de 45 tours. Le nouveau directeur de la firme, Alain Lévy, considère que ces dispositions sont obsolètes et que les enregistrements de l'artiste doivent être moins fréquents afin de lui permettre de les peaufiner. Et l'aboutissement du disque est dû à la grande complicité entre son auteur et son interprète. Michel Berger écrit effectivement des textes qui collent au plus près d'Hallyday. Ainsi, c'est le vécu de l'artiste qu'il met en musique. L'imaginaire de Michel Berger jaillit après avoir assisté au show de Johnny Hallyday au Zénith à Paris en 1984. Johnny lui a demandé « Tu peux me faire une chanson ?» Michel Berger a dit « Non, je te fais un album, tout court. » Le voici, Rock'n'Roll Attitude. Et on commence par la chanson éponyme Rock'n'Roll Attitude sur RIG. Décidé, je veux encore essayer. Mais toi, lutte pour Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Rester en arrière ou passer le premier. Oui, devenir grand sans jamais vieillir. Boucler sa valise, jouer 3-4 et partir. Dormir sur les étoiles, des rires gratuits. Partager ses angoisses et ses désirs aussi. Roule, roule toutes nos vies. S'il ne restait qu'un mot sur les lèvres, ami. Oui, voir aux mêmes lèvres des sirènes d'un jour et tomber par terre à chacun son tour. Passer les frontières et embrasser la rue au hasard d'une bière sur un Paris perdu. Du côté de tes rires, du côté où tu es. Et si la grande noire vient pour t'emmener, au-delà des ombres, tu m'entendras crier. Mais roule, roule toutes nos vies, l'amour est fidèle. Et tourne, tourne tout ce qu'on dit. Oui, s'il ne restait qu'un mot sur les lèvres, amis. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Hallyday en live avec un titre qu'on retrouve dans son album Rock'n'Roll Attitude. Mais cette fois-ci, on retrouve Johnny Hallyday. C'était à la Fête de l'Humanité en 1985. On va retrouver plusieurs extraits de ce concert-là tout au long de cette émission. Quand on est nul devant la classe, on est tous devant le temps qui passe. Je chante pour tous ceux qui sont seuls, qui n'ont rien d'autre que leur gueule. Et ceux qu'on croit être vernis, et qui cherchent à passer leur vie. Et qui osait, et qui osait. Papa le mange, papa l'est, la télé m'a

mon frère, John Hallyday en 1965, extrait de l'album Johnny chante Hallyday, revenant à l'album de la semaine qui est Rock'n'Roll Attitude et qui est sorti un certain juin. Vous souvenez-vous de la date? Mais moi je l'ai plus, j'ai dit que c'était le 25 il me semble. Le prochain titre qu'on va écouter c'est Le Chanteur Abandonné, c'est le premier single qui est sorti juste avant cet album-là. Jean-Pierre Janiot racontait à ce sujet de cette chanson-là, au tout début on a travaillé sur Le Chanteur Abandonné, Michel voulait apprendre à Johnny à phraser comme lui. Il a cherché à lui faire travailler la chanson mot à mot. Johnny a pris le texte et a dit « Écoute, je vais plutôt faire, je vais le faire à ma façon et tu me diras ce que tu en penses. » Il s'est approprié la chanson et Michel n'a plus cherché à mettre le fauve en cage. Il a pigé que ça ne marcherait pas comme ça, avec Johnny évidemment. Et d'une manière générale, Johnny s'est beaucoup investi dans le projet. C'est lui par exemple qui a eu l'idée d'accélérer le tempo à la fin de la chanson « Aimer vivre ». Il était super content de l'effet que ça a donné et il a accentué encore le truc, hein, encore plus sur scène par la suite. Voilà. Et puis aussi en même temps, Chanteur Abandonné, c'est sans doute un des premiers sentiments forts que Berger a éprouvé en rencontrant l'idole. Là, par ailleurs, le rocker a souvent évoqué Claude François comme le prototype du chanteur qui est à la fois seul, définitivement seul et très entouré. Voici tout de suite Le Chanteur Abandonné. Y a des flat case qui traînent sur scène et on démonte les projecteurs quand sa vie n'est plus mise en scène. Ça lui fait peur, tous ses nouveaux amis qu'il aime seront partis dans la semaine. Dans sa loge, des photos, des fleurs, une certaine image du bonheur. Il fait le vide dans sa tête. Il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner, sûr que le blues est inventé. Pour lui, cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer, il a donné ce qu'il avait. Mais lui, se demande qui il est. Abandonné, oui, abandonné. Et la fille qu'il attend, qu'il aime comme un enfant, sans qu'il parle, elle comprend sa vie. C'est bon d'être heureux, oh, comme c'est bon d'oublier que tellement de lumière, ça peut faire mal aux yeux, et ça fait le vide dans sa tête, oui, ça fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner, sûr que le blues est inventé. Pour lui, cette nuit, lorsqu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer, il a donné ce qu'il avait. Mais lui, il se demande qui il est. Abandonné, oui, abandonné. Tant pis s'il faut payer d'avoir toujours donné. C'est bon et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Oui, je n'ai jamais su d'où il venait et ce qu'il cherchait. Ce garçon triste qui me ressemblait. Ah, on marchait sur les mêmes routes et les mêmes chemins qui vont là d'où personne ne revient. Oui, sur un camion d'orange, c'est là qu'on s'est rencontrés. Il m'a donné la cigarette qui lui restait. Et l'amitié est comme une fleur qui fleurit au hasard. Je le sais maintenant, oui, qu'il est trop tard. Oui, on dormait la nuit dans les champs et les cœurs dans le vent. On mangeait de l'espoir et l'air du temps. Car on cherchait la même chose, celle qu'on ne trouve pas. Tout était bien et c'était la vraie vie. La vie qu'on vivait, moi et Bobby McGee. Pourtant on ne se parlait presque pas, mais on se comprenait. Il prenait sa guitare et il chantait. Oui, et ce monde donné n'était plus le sien, et il le fuyait. Et dans son enfer, moi je le suivais. Ah, de cigarette en cigarette, quand il nous en restait, on refaisait le monde qu'on voulait. J'ai perdu presque au hasard pour une fille de rien qui était l'amour dont j'avais besoin. Ouais, la liberté ça n'est qu'un mot quand on n'a rien à perdre. Et Bobby s'est perdu pour la chercher. Il me reste sa chanson pour m'en faire regretter tout ce que je croyais être la vie. On arrive à présent à la version originale adaptée pour Johnny Hallyday. La semaine dernière, je vous avais diffusé le titre « La guitare fait mal » de Johnny Hallyday sur l'album « Ça change pas un homme » datant de 1991 et je vais vous présenter la version originale. Il s'agit à l'origine d'une composition de Joe Dassin sur un texte de Claude Mel, « Le marché aux puces » paru dans notre langue, hein, bien sûr, langue française, sur l'album « Blue Country » en 1979 et que Tolly Joe White avait adapté pour Joe Dassin sous le titre de « Guitar Don't Lie » en 1980. La version de Johnny est réalisé par Tony Joe White au studio Gang avec l'aide des mythiques David Hood à la basse et Roger Hawkins à la batterie, deux des quatre piliers du Michael Shoals Sound Studio. Finalement, Tony Joe White se penche à son tour sur ce morceau qui apparaît sur Lake Placid Blues en 1995 et les collectionneurs ont apprécié que la pochette de la première impression de ce 45 tours de Johnny hein, soit constituée d'un poster plié et puis aussi en même temps, la face A était en 45 tours et la face B était en 33 tours. Mais on revient évidemment au titre de Joe Dassin, Le marché aux puces. Je l'ai croisé un jour près du marché aux puces où je faisais un saut. Histoire de me fringuer, un gramophone jouait de fausses chansons russes sur un rouleau grinçant comme un portail rouillé. Elle n'avait l'air de rien, elle n'était pas grand-chose,

Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Dis-moi oui. Oh, loin de toi, mon cœur se noie. Il ne peut vivre sans toi. Car sans toi, le soleil et la vie sont sans éclat. Mais dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Oh, dis-moi oui. Oui, oui. Dis-moi oui. Longtemps je t'espère, oh oui je suis sincère. Nous sommes faits tous les deux pour nous aimer sur terre. Mais dis-moi oui, oui, oui. Oh dis-moi oui, oui, oui. Oh dis-moi oui, oui, oui. Dis-moi oui. Je compte chaque jour, oui tout le mot d'amour que l'on peut se dire et redire chacun à son tour. Mais dis-moi oui, oui, oui. Oh dis-moi oui, oui, oui. Oh, dis-moi oui, oui, oui. Dis-moi oui. Séduit, alors dis-moi oui, oui, oui. Oh, dis-moi oui, oui, oui. Oh, dis-moi oui, oui, oui. Dis-moi oui. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On te représente Johnny Hallyday à la Fête de l'Humanité le 15 septembre 1985 avec toujours un titre de l'album de la semaine Rock'n'Roll Attitude. Voici Équipe de Nuit. Des femmes tellement belles qui nous attendent sagement dans leur lit. Oh oui. Il y a des hommes qui dorment et qui rêvent, mais tranquillement leur vie. La vie leur qu'il est, l'homme n'est sûrement pas fait pour échanger sa paix contre la lumière du soleil. Ces mots magiques s'arrêtent jamais. Et les ponts et les routes construits. Et c'est l'or, l'antillère, retard de nos vies. Et c'est l'art de temps et en fait où les colonnes s'appliquent. L'équipe de lui. Ces mots magiques nous donnent nos vies. Le départ, c'est du sens, la valeur est pris. Scarpe dans la pierre comme un abruti. Et tu pars par où est la sortie. Des types en forme de croco, des cannes, des grosses parties. T'as vu l'heure qu'il est, où nos enfants grandiront, sans qu'on sache s'ils nous ressemblent, non. Équipe de nuit, ce monde est magique, s'arrête jamais, et les ponts et les routes qu'on construit. Et c'est l'or, l'antinelle, ressemble à la vie. Et c'est l'art de temps et on ne sait jamais où est ton monde à fini. Équipe de nuit, équipe de nuit, wow. l'album de la semaine qui est Rock'n'Roll Attitude et qui est sorti le 26 juin 1985. Et pour le prochain titre, Yannick Top va nous parler donc du prochain titre, bien entendu, mais aussi Yannick Top parle d'un vrai travail d'équipe. Alors, on s'est retrouvé à Montréal, dans un petit studio qui appartenait aux Marines Diane Dufresne. Ça, c'était un truc que Michel aimait bien, prendre deux ou trois personnes à lui, les amener au bout du monde et les mélanger à d'autres musiciens inconnus, nouveaux. On a eu Chris Spedding, un type assez imprévisible qui faisait carrément peur à Michel. On a eu Peter Frampton, adorable, qui a fait la plupart des guitares. On a eu aussi au clavier Bill Cuomo, qui un jour a bloqué sur un des accords incroyables inventés par Michel et qui n'a pas voulu le reproduire. Il a dit, nous, ici, on marchera jamais là-dedans. Et effectivement, il n'a pas fait l'accord. Ils sont comme ça, les Américains. Et du coup, il y a un passage un peu faux dans une des chansons du disque. Ben, à nous de le retrouver. Voilà. Et Yannick Top rajoute, je me souviens du moment où Johnny a enregistré Tennessee. Quand Michel le chantait, c'était très rond, très doux. C'était un Tennessee très protecteur. Et puis Johnny s'est emparé du truc et a donné une version âpre, profonde, à la fois apaisée et désespérée. Je voyais le visage de Michel passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pendant que Johnny interprétait le titre. À la fois, il était bluffé et totalement décontenancé. Il n'avait pas du tout entendu la chanson comme ça dans sa tête. Et je l'ai su plus tard, mais Michel avait une énorme admiration pour Johnny. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Thank you. fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 2010. Alors je ne relève pas, car le jour viendra de répondre de mes actes, et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte, et lui seul m'entendra. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. Que j'ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier. On sort de la piste, on reprend l'espoir, on avance plus ou moins droit. Et c'est en soliste que je lui dirai mon histoire, et j'assumerai mes choix. J'en parle. Si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'y Johnny sur RIG, j'en parlerai au diable, extrait de l'album Monde, Pays, c'est l'amour, sorti en 2018. On va arriver maintenant à la rubrique de Antoine Decaune, l'Odyssée de Johnny, et il va nous parler d'un titre des années 60. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Parce que le rock'n'roll est une chose sérieuse, Johnny opère la plupart du temps en mode sérieux. Il est en effet extrêmement délicat, difficile, voire périlleux de vouloir instiller de fortes doses de rigolade dans une musique qui repose en partie sur une hypothétique crédibilité, celle des rebelles, des garçons de la rue. Sauf que parfois, l'humour est involontaire. Tenez, écoutez les Blousons Noirs, un groupe de Bordeaux vers 1961, oh baby, let's twist again. Et essayez de ne pas vous marier. Let's twist again. Donne-moi la main, là. Et tu t'y prends bien, continue comme ça. Un tour autour de moi, balance encore tes bras. Et viens sur mon cœur. Et rythme le twist. Peu de créateurs se sont risqués avec succès dans le rock'n'roll humoristique. Parmi les rares exceptions aux États-Unis, on trouve les Coasters, groupe vocal noir que ses producteurs Jerry Lieber et Mike Stoller fournissaient en chansons scénarisées souvent irrésistibles. And then he tied her up. And then he turned on the buzz. And then a long day dawn. Talking Joe. En France, la dérision sert souvent de paravent, l'ironie permettant de montrer que l'on n'est pas dupe. C'est le fameux deuxième degré. On sait le parti qu'ont pu en tirer des gens comme Nino Ferrer ou Jacques Dutronc. Pratiquant depuis longtemps l'exercice, Henri Salvador a connu quelques belles réussites, notamment avec des adaptations de succès des Coasters. Quelle coïncidence! Le peuple gaulois adore la franche marade et réserva un bon accueil aux charlots qui avaient un faible pour le rock parodique. Hé, Max ! Eh, dis-moi comme ça, dit ! Eh, dis-moi que t'as plus soif, toi, hein ? Hé, Max ! Ah, ils sont mal encore, les petits, hein ? Et juste un petit, quoi. Et ton mot de rapport, hein ? Et Johnny dans tout ça ? Eh bien, notre héros, un homme à l'instinct rarement pris en défaut, adopte la formule consacrée qui préconise de faire son boulot sérieusement, sans toutefois se prendre au sérieux. Évidemment, quand on chante « Ma gueule » ou « Requiem pour un fou », mieux vaut ne pas avoir l'air de se bidonner, sinon tout s'écroule. Quoi, ma gueule ? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Et le rock. Mais c'est comme le rire et le sexe. Y a rien de tel pour tout faire rater. Encore que Johnny aurait pu être encouragé dans la voie du rock humoristique par deux réussites flagrantes figurant sur un album qu'il enregistre en 1965. On y découvre Le Diable me pardonne, la drôle d'histoire d'un type qui a tué ses deux épouses et qui ne comprend pas ce qu'on lui reproche. La fille que j'aimais, le jour, la nuit sifflait. Elle se prenait pour un petit oiseau. Moi j'adore les oiseaux. Me pardonne, mon idée était bonne. Par la fenêtre, un jour je l'ai poussée, mais elle n'a pas volé. Sur ce même album intitulé Johnny chante Hallyday, publié en novembre 65, Johnny marie carrément chanson et théâtre dans une scénette intitulée Je bois à sa santé. Il incarne ici un homme pris de boisson par des pieds amoureux. Moi, ce que je préfère dans cette chanson, c'est le solo d'éclat de rire. Si, le solo d'éclat de rire. Hey, écoutez. Barman, s'il vous plaît, il est tard, mais je le Johnny Hallyday. À leur santé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Johnny et les années 70. Et par ici. Je voulais te dire merci pour ta bouche qui riait, que j'ai fait crier, tes yeux que j'ai fait pleurer. Je voulais te dire merci. N'attends pas de moi. Simplement, oui, simplement te dire merci. Que Tom Jones qui a écrit entre autres la version originale de J'ai pleuré sur ma guitare. Et le titre original de cette chanson-là, Merci en français, s'intitule Tender Memories. Et oui, on en a parlé lors d'une petite émission d'une mini-série qui s'appelle Johnny Covers, qu'on retrouve ça sur YouTube, et le prochain numéro sera fait, vous sera posté d'ici ce week-end. Voilà. Allez, hop, chanson suivante, s'il vous plaît. Qu'un truc à vous dire. Au revoir, barbe, loubabe, la bim, boum. Bon, d'accord, c'est bon. Johnny et les années 2000. Les accords qui résonnent au plus profond de moi, à ces cordes qui sonnent et vibrent sous mes doigts, mon destin sera de prolonger tout ça. La chaleur des lumières et le froid de la peur, puis ces gestes les mêmes, toujours à la même heure, enfin ces vagues humaines qui me bouleversent sur scène. S'abandonner au rythme des mains qui se lient, chacun de mes refrains enflammait mon esprit, qui rêvait me chanter toute une vie. Je pourrais tout défaire si tu viens contre moi. Oublier ciel et terre d'un signe de toi. Tout briser me taire pour un regard de toi. Renoncer, me soustraire pour te savoir près de moi. Chercher les notes sur des mots, et puis poser ma voix sur le tempo, et puis tout partager et tout recommencer. Le regard de ces femmes indiscrètes dans l'âme qui cherchent à conquérir l'insignifiant reflet, une image à séduire d'un homme à protéger. Je pourrais tout défaire. Ces gens inconnus qui choisissent ma voix, je ne l'ai pas voulu, mais pris à la fois. J'ai donné et reçu, j'ai bien mérité ça. Je pourrais tout y faire si tu viens contre moi. Oublier ciel et terre d'un signe de toi. Te savoir près de moi, Johnny Hallyday en 2005, extrait de l'album Ma Vérité. Revenons à l'album de la semaine qui est Rock'n'Roll Attitude, sorti le 26 juin 1985. Et Johnny a dédié l'album à sa fille Laura, et on le sait tous aussi, en 86 sur l'album Gang, réalisé par Goldman, une chanson lui sera dédiée. Michel Berger, auteur, compositeur et producteur de l'album, est au piano sur chacun des morceaux. Il assure également avec France Gall les chœurs de la chanson Quelque chose de Tennessee, tandis qu'en introduction, Nathalie Baye lit les dernières lignes de la pièce La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. Rock'n'Roll Attitude marque les retrouvailles de Johnny Hallyday et de Peter Frampton, avec qui il a précédemment travaillé en 1969 sur l'album Rivière ouvre ton lit et en 1973 sur l'album Insolitude. Peter Frampton joue de la guitare sur la plupart des morceaux, exception faite des chansons Le chanteur abandonné, Qui ose aimer et Pendu à mon cou. Et on va arriver au titre suivant qui s'appelle Seul mais pas solitaire. Johnny Hallyday sur RIG, la radio de Johnny Hallyday. Comme une étoile que le soleil éclaire, une vague écume de la mer, quelquefois triste, jamais amer. J'ai des regards qui m'accompagnent et j'ai des passions à l'envers. Et la musique des nuits entières. Seul, mais pas solitaire. Seul, mais pas solitaire. éphémère. Et si tout en haut ça m'endère, y a des timides qui n'en ont pas l'air, des yeux humides sous des masques de fer. Laissez dire et pas laisser faire. Seul, mais pas solitaire. Seul, mais pas solitaire. Seul derrière le rideau de fer, seul avec la terre entière. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. À nouveau, on se retrouve donc à la fête de l'humanité, le 15 septembre 1985, et le titre Angel. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny, des tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Oui. Soit sur la bande FM, sur Bordeaux 90.7, ou sinon sur le net rigfm.fr. Comme ça, dis, y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, eh bien dire bonjour, et t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de contre, j'ai tout mon temps. Attends chez moi, je le sais, oui, un calife, ah, sans personne dedans. Hey Joe, et si on parlait, mais de quoi? Comme tu dis la vie, où est-ce le métro à 6h et 5h? question simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Your dream came true. Les rêves deviennent réalité. Les fans de Johnny Hallyday vont être ravis. On savait que Warner Music préparait pour cet automne la sortie en DVD de son dernier road trip à moto aux USA, hein, mais la dernière maison de disques du rocker en avait encore sous la pédale. Elle annonce la sortie le 23 octobre d'un copieux coffret intitulé Son rêve américain, qui réunira un deuxième film inédit réalisé lors de sa tournée aux États-Unis en 2014 et un double album live enregistré à New York au Beacon Theater cette année-là et jamais publié. Autre surprise, l'apparition dès le 9 octobre d'un titre inédit de Johnny datant de 2014, Deux sortes d'hommes qu'on vient juste d'écouter, hein, quelques mesures décrit par Philippe Manœuvre comme un blues 12 mesures fracassant, et ce titre a été enregistré lors des sessions de l'album Restez Vivant. La musique est signée d'Aran et le texte est de Pierre-Yves Lebert. Aux manettes, deux géants américains déjà au générique des dernières œuvres du chanteur français décédé en 2017, Don Was à la production et Bob Clearmountain au mixage. Et ce titre fait partie de la bande son du film de François Godgeber, hein, sur la dernière virée à moto de Johnny avec ses potes en 2016 entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles. Des premières images illustrées, J'en parlerai au diable, le dernier clip de Johnny fin 2018, et ce road trip en noir et blanc de près de 2 heures intitulé À nos promesses, et le gros morceau de ce coffret qui proposera aussi un CD de toutes les musiques du film, une compilation de titres des 4 derniers albums de l'idole, dont Made in Rock'n'Roll en voix seule et une version alternative de On s'habitue à tout. Un second film raconte les coulisses de la tournée Born Rocker USA de 2014, un périple de 14 concerts aux États-Unis et au Canada, une tournée unique dans sa carrière. Ce moyen long métrage, réalisé par Pascal Duchesne, est associé à un double CD immortalisant un concert jamais entendu de cette tournée nord-américaine, celui donné en mai 2014 au Beacon Theater de New York, salle mythique où Martin Scorsese avait filmé les Rolling Stones en 2006. Et aussi, il resterait encore un titre inédit issu des session de l'album Restez Vivant, il s'appellerait Trahir ton corps. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir alors? Qu'est-ce qui va sortir le 23 octobre? Eh bien, on aura en version digitale CD, CD-DVD et coffret collector illimité, donc son rêve américain. Il sera inclus dans le coffret collector, par exemple, 2 films inédits, À nos promesses, donc le dernier road trip de Johnny en moto. Johnny USA, les coulisses de la tournée, avec un film de Pascal Duchesne, donc qui durera 20 minutes. Un double album live inédit enregistré à New York, donc la bande originale du road trip, avec la chanson Deux sortes d'hommes. Donc ce single inédit sortira le 9 octobre en digital et sous 3 maxi 45 tours vinyles de couleur, jaune, bleu, vert. Et donc ce sera un collector limité, bien entendu. Eh bien, on attendra le 9 octobre pour écouter ce titre-là. Peut-être qu'on l'aura en avance ici sur RIG, qui sait. Mais sinon, on va retourner à Johnny Hallyday et l'émission Johnny de A à Z. Johnny et les années 60. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Toute cette fumée te cache à moi. Pourtant tu es là. Et même la pluie qui vient troubler cette illusion de toi. Tout se change en rêve à présent. La vérité s'en va. Je reste. reste là. Ton parfum est si fort que tu es là, ma tête de tout. Et je te vois, c'est bien toi, oh non. Toute cette fumée vient me voler le meilleur de toi. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 90. On retrouve notre idole à Las Vegas. Quand le soleil Wallen se Theater. Couche. En 1996. C'est notre peuple qui saigne. Une chanson de David Hallyday. À l'horizon. Étienne Rodagil. Ce sont nos montagnes. Chantez pour toi. Nos rivières. C'est toute la plaine. C'est signé Geronimo. Sur le chemin où marche la haine et sur la route que tu cherches de. Come on. Chanté pour toi, Johnny a dû reprendre deux fois cette chanson au cours de son concert à l'Aladdin Theater à Las Vegas. Revenons à l'album de la semaine qui est Rock'n'Roll Attitude. Et pour le prochain titre, ce sera le titre Aimer Vivre, chanson emblématique de l'album. Elle est l'illustration de cette symbiose entre Berger et Hallyday. Et cela commence tout en douceur façon Berger et cela s'achève façon Hallyday, tout en rythme et en énergie, comme c'était bien l'idée de Johnny Hallyday de finir ainsi cette chanson-là. Et cette chanson a été un petit classique pendant quelques concerts hein, en 87, en 91, en 90 et aussi à la Tour Eiffel, ne l'oublions pas. Voici la version complète studio de Aimer Vivre. C'est écrit dans tes yeux quand tu parles de ta vie. C'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. J'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux. Rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton cœur qui bouge, c'est ton cœur fait tout. Je veux te voir changer, je veux te voir bouger, je veux te voir crier ton plaisir, je veux te voir vibrer et te voir te lever. Yeah. version complète prise studio et version alternative, bien entendu. Aimez vivre. Salut, c'est Johnny. Mais avant de continuer à chanter, j'aimerais à tous et à toutes vous souhaiter une très bonne soirée. Ce soir, on est là pour s'amuser. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Et n'avoir que du plaisir. Restez vivant, restez vivant. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Quand l'amour sauvage, tout est fini. Dadu on run, run, dadu on run. Je sais qu'au long de toutes ces années, je peux compter sur vous, mais vous, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Se trouver quoi qu'il se passe, c'est possible. Ah, je vous aime. Le rock'n'roll, il est là pour rester. Extrait de l'album Je t'aime, je t'aime, je t'aime en 1974. Revenons à une version originale adaptée pour Johnny Hallyday. Elle a été adaptée par Long Chris. C'est le titre Je me suis lavé les mains dans une eau sale. I washed my hands in muddy water. Écrite en 1964 par Joe Babcock. La chanson fut popularisée par Stonewall Jackson sur Columbia en 1965, donnant une idée de reprise à Charlie Rich, Buddy Knox, puis Johnny Rivers sur Imperial en juin 1966, dont il est possible que la version ait servi de référence à Johnny. En 1970, Elvis Presley en incluit l'interprétation sur Elvis Country, l'album bien entendu, et à l'Olympia, au cours de l'introduction, Johnny lance un olé qui pourrait surprendre, surtout que la chanson n'a rien d'hispanisante. C'est vraisemblablement un clin d'œil adressé à Chuck Berry qui, sur cette même scène, confondant la France et l'Espagne, utilisa cette interjection à profusion. On écoute la version de Stonewall Jackson, « I wash my hands in muddy water ». I was born in Macon, Georgia. They kept my dad in the Macon jail. Dad said, son, if you keep your hands clean. You won't hear them bloodhounds on your trail. But I fell in with bad companions. We robbed a man in Tennessee. The sheriff caught me way up in Nashville. They locked me up and threw away the key. I washed my hands in muddy water. Washed my hands, but they didn't come clean. Tried to do like Daddy told me, but I must have washed my hands in a muddy stream. Asked the jailer, when's my time up? He said, son, we won't forget. And if you try to keep your hands clean, we may make a good man of you yet. I couldn't wait to do my sentence. I broke out of the Nashville jail. I just crossed the line of Georgia, and I can hear them bloodhounds on my trail. I wash my hands in muddy water. I wash my hands, but they didn't come clean. Tried to do like Daddy told. Must have washed my hands in a muddy stream. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En live et toujours. À la Fête d'Humanité, le 15 septembre 1985, voici l'avant-dernier rendez-vous à la Fête d'Humanité avec Johnny en live, avec le titre « Pendu à mon cou ». We'll be right back. Vous êtes toujours sur RIG, bien entendu, la radio de Johnny Hallyday tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit, puis aussi en podcast, hein, évidemment, et puis aussi, vous allez retrouver quelques émissions de l'émission Johnny de A à Z, mon émission, évidemment, sur la radio web 100% Johnny. Et nous allons parler à nouveau pour l'avant-dernière fois de l'album de la semaine qui s'intitule Rock'n'Roll Attitude et qui est sorti le 26 juin 1986. Le prochain titre qu'on va écouter, ce sera Parker Connaît Pas, un des titres les plus inattendus de l'album, une chanson à part dans la discographie du chanteur. Berger et Johnny s'intéressent au jazzman Charlie Parker et Berger fait état de sa cinéphilie. En 1963, le réalisateur Bertrand Blier produit un film de 3 heures qui est un ensemble de témoignages de jeunes gens sur le rôle historique d'Adolf Hitler. Et les réponses des gamins sont claires. Hitler, c'est de l'histoire ancienne. Blier intitule son document « Hitler connaît pas ». Berger rebondit là-dessus. Parker connaît pas. Parker, c'était quoi? Un homme simplement, avec le génie au bout des doigts. L'homme même, c'était un air comme un autre. L'homme même, c'était un cœur comme le nôtre. Et qui souffrait. Love man, c'était comme un cri d'amour. Love man, pour éloigner les vautours. Et là où tu es, Charlie, sois pas. Je connais la musique Charlie, continue sa vie pendant que tu te reposes. Mais t'en veux pas Charlie, t'en fais pas ta vie, a servi à quelque chose. Love man, quelques accords parmi d'autres. Love man, c'était une voix comme la nôtre. Et qui vibrait, qui nous parlait. Love man, c'était comme une nuit d'amour. Johnny et les années 60. Rock'n'roll. Mon rêve s'envole. passer. Un autre t'approcher, c'est comme ça qu'un beau jour. J'ai perdu à jamais ton amour. Film. Voici un extrait de la bande originale, enfin un extrait du film Salaud, on t'aime, avec Johnny et Eddie Mitchell. Grâce un peu à cette musique, jusqu'à ce qu'il joue cette chanson. Toi non plus, t'arrives pas à dormir. Tu sais qu'il y a un peu bravo à la télé, c'est pas évident de dormir, hein. On est où, là? Alors là, on en est où Dean Martin et Ricky Nelson vont bientôt chanter ensemble dans la prison. That's where I long to be with my sweet companion. Just my rifle, Harley, and me. Gonna hang my sweet somewhere on the limb of a tree. Sweet, my darling, my rifle, with me, with the wind, in the willow, sing a swing, melody. No more cow, to be roping, no more string, will I see round the bend, my rival, my pony, and me. C'est Bah oui, on joue encore. Voici tout de suite. Ça peut changer le monde. L'histoire reste la même. Que l'on ait menti ou non. Mais certains prennent la peine de se souvenir des noms. L'histoire devient la tienne quand elle te touche au fond. Quelqu'un te dit je t'aime. Oui, quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. Ça peut changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. La route est encore longue. Se construire dans la haine ne donne jamais rien de bon. Les blessures nous emmènent sur le chemin du pardon. L'histoire veut qu'on retienne que l'amour est un don. Quelqu'un te dit je t'aime. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. Ça peut changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. La route est encore longue. Changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. La route est encore longue. Ça peut changer le monde. Ça peut changer le monde. Album de la semaine, dernier rendez-vous de l'album de la semaine, Rock'n'Roll Attitude, sorti en 85. Et Rock'n'Roll Attitude est un succès critique et public et marque le retour du chanteur au tout premier plan. L'album s'écoule à environ 472 600 exemplaires en France et contient des titres comme Le Chanteur Abandonné et Quelque chose de Tennessee qui deviennent des incontournables du répertoire de l'artiste. Il y a eu des rééditions, évidemment. En mai 2013, l'album est édité sous le nouveau support Blu-ray audio. En 2015, à l'occasion du 30e anniversaire de l'album, Rock'n'Roll Attitude est réédité en format livre de CD, incluant en bonus deux titres audio et deux DVD. Le DVD 1 propose le concert inédit de John Hallyday à la fête de l'humanité, donc du 15 septembre 1985. Et le deuxième DVD contient les cinq vidéoclips extraits de l'album et les titres interprétés par Johnny lors de l'émission Johnny Mitro Blues dans le duo avec Nathalie Baye, Je veux que tu m'aimes. Et dernier titre qu'on va écouter, ça sera La blouse de l'infirmière. Et comme on le sait, au moment où Michel Berger se met au travail sur le futur album pour Johnny, l'idole est au zénith où une sérieuse baisse de tension le conduit tout droit à l'hôpital. Rien de grave, juste trois semaines à passer sous la surveillance attentive d'une infirmière et on imagine bien Johnny faire un clin d'œil à Michel, sous-entendant elle est pas mal celle-là. Même moi je dirais elle est bonne celle-là, non? Faut plus dire ça. Oh non, faut plus dire sexisme. Oh, sexiste. Faut plus dire ça. Non, non. Elle est mignonne, on va dire. Et encore, c'est limite. Ils appellent ça service d'urgence. Mais elle joue la

shake. I said, shake, baby, shake. Shake, baby, shake. I said, come on up, baby, hold on, let's see what's going on. I said, shake. Ainsi s'achève l'émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Rock'n'Roll Attitude. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé et écouté attentivement cette émission et on se donne rendez-vous très prochainement sur les ondes de RIG. À bientôt, à toutes et à tous. Ciao, ciao.